Mais il n'a rien senti, puisque j'ai découvert qu'il avait doublé le fond de sa culotte avec du carton. Du carton ? Et où aurait-il eu ce carton ? Qui est-ce qui lui en aurait donné ? Madame voit, c'est quelque tour des fées. Mon Dieu, Betty, cours vite à la fontaine de Fairy Ring. Va me chercher de l'eau, nous en jetterons partout, sur lui aussi, sur ce maudit quand il viendra. Betty partit en courant.